La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quelle est cette langue que parlent les mathématiques ? Antoine Laurent de Lavoisier, l'inventeur de la chimie moderne, avait compris que la science réclame, lorsqu'elle progresse, que le langage lui-même soit perfectionné. Il écrit dans son traité élémentaire de chimie « On ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le langage, et quelque certains que fussent les faits, quelque justes que fussent les idées qu'ils auraient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses si nous n'avions pas des expressions exactes pour les rendre. » Fin de citation. De tels propos tenus au moment de la Révolution française demeurent d'une grande justesse, alors même que la production des connaissances s'accélère. Irréductiblement, un déphasage s'accroît entre ce qui est communément dit et ce qui est nouvellement su. Mais ce que je dis là vaut-il aussi pour les mathématiques, qui s'expriment parfois avec des mots qui font partie du langage le plus ordinaire? On y parle par exemple de corps, de dérivés, de racines, de spectres, d'anneaux, de groupes. D'où la question qui va travailler notre conversation scientifique d'aujourd'hui. Lorsqu'un mathématicien emploie l'un de ces mots communs, lui donne-t-il le sens profane que celui qu'il a dans la vie de tous les jours? Ou bien veut-il désigner symboliquement tout à fait autre chose? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gérald Tenenbaum. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien, professeur à l'Institut Élie Cartan de l'Université de Lorraine, spécialiste de la théorie des nombres, nous y reviendrons. Oui. Et vous publiez un livre qui s'intitule « Des mots et des maths » aux éditions Odile Jacob. Et vous publiez également un roman aux éditions Héloïse d'Ormesson qui s'intitule « Reflets des jours mauves ». Je tiens à vous dire, je l'ai pas lu. Je l'ai pas reçu, je l'ai pas lu, mais je tiens à citer son existence. Alors ce livre sur les mots et les mathématiques, c'est une sorte de revisitation des mathématiques que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. On se promène entre les mots. Il y a des citations poétiques, on parle de concepts, de mythologie, d'histoire. C'est un livre qui est d'un genre déambulant, voire déambulatoire. Mais je préfère dire déambulant parce que genre déambulant, c'est votre anagramme. Ah d'accord. Gérald Tenenbaum, c'est genre déambulant. Oh, c'est aussi mal, ouais. C'est aussi nage durablement. Et on nage un peu, parfois, ah, oui, oui, oui. Comme souvent en mathématiques. Bravo. Alors vous avez choisi 30 mots... qui sont des mots communs qu'on retrouve dans le champ des mathématiques. Oui. Mais c'est pas un dictionnaire. À chaque fois, le mot est traité dans une forme d'essai. Tout à fait. Alors, oui, comment oui. est-ce que vous avez opéré les choix de ces 30 mots? J'ai essayé de prendre les mots les plus communs, ceux qui sont le plus chargés de sens et de connotation dans le langage de tous les jours et qui sont pourtant utilisés de manière essentielle en mathématiques. Donc c'est vraiment ces mots qui sont chargés de sens et auxquels les mathématiques donnent un autre sens. Donc, il y a 30 mots, mais vous auriez pu en choisir 150. On aurait pu en choisir plus, mais bon, pour moi, il était important d'éviter les mots techniques. Voilà, il n'était pas question de traiter l'entrée homomorphisme ou difféomorphisme. Alors, il y a un vieux débat chez les mathématiciens, oui. Chez les philosophes des mathématiques. Est-ce que les mathématiques sont un jeu de langage? Ou est-ce qu'ils représentent une ontologie? Est-ce que les objets mathématiques existent vraiment quelque part? Ou est-ce que simplement c'est un jeu de relations que le langage exprime? Vous citez d'ailleurs dans le livre Ferdinand de Saussure, oui. qui dit ceci, la langue étant ce qu'elle est, de quelque côté qu'on l'aborde, on n'y trouvera rien de simple, partout est toujours ce même équilibre complexe de termes qui se conditionnent réciproquement, autrement dit la langue est une forme et non une substance. Est-ce qu'on peut dire des mathématiques la même chose que ce qu'il dit là de la langue? C'est une question complexe. Je dirais que les mathématiques fonctionnent comme un langage, mais ne sont pas un langage. C'est-à-dire que le langage est un moyen de communication, c'est un moyen d'agir sur le monde, et les mathématiques, en ce sens-là, sont structurées comme un langage, mais ne sont pas une langue. Elles ont une langue, mais elles ne sont pas une langue. Alors, si vous le voulez bien, Gérald Tenenbaum, on va commencer par un exemple qui permettra d'éclairer votre démarche. Le premier chapitre de votre livre s'intitule « Absolu ». A comme absolu. Oui. Alors, absolu, c'est un mot de la langue commune. Tout à fait. Mais en mathématiques, on trouve des choses étonnantes. Par exemple, on apprend que les nombres relatifs ont une valeur absolue. Absolument. Est-ce que c'est pas une contradiction dans les termes? Absolu et relatif s'opposent. Oui, absolu et relatif s'opposent. Et le nombre relatif, c'est-à-dire que le nombre négatif, sans parler même des nombres complexes, le nombre relatif a longtemps posé un problème aux mathématiciens. Rappelons que ce sont les nombres entiers, positifs et négatifs. Voilà, positifs ou négatifs. Et c'est vrai que encore dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on voit une gêne dans le fait d'utiliser les nombres négatifs. On dit si un homme a donné à un autre moins 3 écus, c'est qu'il lui a pris 3 écus. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à se rattraper au nombre positif, qui lui a un sens évident, puisqu'il sert à compter, et le nombre négatif qui est dans une opération, eh bien, il pose problème. Donc, le nombre négatif, on lui donne une valeur absolue, c'est-à-dire que le concept même de nombre est rattaché à la valeur positive du nombre, qu'on appelle la valeur absolue, et le signe, finalement, est contingent. Il désigne une opération qui, elle, est relative. Donc le 3, c'est l'opposé de moins 3. Oui. Mais la valeur absolue de moins 3, c'est 3. Absolument. Donc on pourrait dire que la valeur absolue, c'est la vraie nature d'un nombre? Ça mesure sa distance au zéro? Ça mesure sa distance au zéro. Alors là, effectivement, c'est le concept de valeur absolue qui a, ou même de valuation, donc qui a été généralisé dans les mathématiques de diverses façons. Mais ça exprime finalement à la fois notre fascination pour le nombre en tant que tel. Et le caractère relatif des opérations que nous sommes capables de faire avec les nombres. Alors je l'ai dit en vous présentant, Gérald Tenenbaum, vous êtes spécialiste de la théorie des nombres. Oui. C'est-à-dire? Alors la théorie des nombres, eh bien, c'est la partie des mathématiques qui s'occupe des nombres entiers. 1, 2, 3, ces nombres qu'on a en nous et qui sont naturels, qui sont tous les hommes comptent sous toutes les latitudes, dans tous les pays, là où il y a des hommes, on compte. Mais ces nombres qui sont en nous, eh bien, nous posent des problèmes qu'on ne sait pas résoudre et sur lesquels on bute depuis des milliers d'années. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de tel problème? Alors, oui. Vous allez parler des nombres premiers. Par exemple, alors les nombres premiers, donc ces nombres qui ne sont divisibles que par 1 et eux-mêmes, sauf le nombre 1 qui lui-même n'est pas un nombre premier, pour une raison qu'on pourra expliquer peut-être. Mais 2 est premier alors qu'il est pair. Voilà, 2 est premier, il est pair, c'est le seul nombre premier qui soit pair, puisque tous les autres nombres pairs, évidemment, sont divisibles par 2, donc ils ne peuvent pas être premiers. Et donc ces nombres premiers qui sont donc les briques de la multiplication, c'est-à-dire que en multipliant des nombres premiers entre eux, on peut refabriquer tous les nombres, alors que pour l'addition, eh bien, il faut ajouter 1 autant de fois que nécessaire pour fabriquer tout nombre donné. Et lorsqu'on mêle les deux structures, c'est-à-dire la structure additive et la structure multiplicative, on obtient tout de suite des problèmes qui sont extrêmement difficiles. Par exemple, la conjecture de Goldbach qui dit que tout nombre pair, justement, peut être écrit comme la somme de deux nombres premiers. Donc c'est une conjecture qui a été émise au milieu du XVIIIe siècle et sur laquelle on est toujours dans l'expectative. Ça n'a pas été démontré. Par contre, on l'a observé pour tous les nombres connus. pour tous les voilà pour tous les nombres jusqu'à des centaines de milliers ou de milliards, on a des conjectures très précises même sur le nombre de représentations, mais on n'a pas de démonstration. Est-ce que vous connaissez ce texte de Nietzsche dans Humain trop humain qui s'appelle L'avenir de la science ? C'est un chapitre qui fait une page dans lequel il écrit que la science, notamment les mathématiques, donne beaucoup de satisfaction à celui qui consacre son travail et ses recherches, mais fort peu à celui qui en apprend les résultats. Mais comme toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu banales et communes, même ce peu de satisfaction disparaît. C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de trouver le moindre plaisir à apprendre la table d'addition, qui est pourtant si admirable. Par exemple, quand on écrit, par exemple, que 1 plus 2 est égal à 3, oui, on l'apprend de façon automatique, oui, sans percevoir l'effort d'abstraction incroyable qu'il a fallu produire pour passer de l'addition de choses qu'on peut voir, oui, à sûr, l'idée d'addition, oui, de, oui, nombres. Oui, oui, oui, oui, ça, c'est sûr que les nombres sont nous permettre de nous représenter le monde. Et c'est vrai qu'on a peut-être oublié à quel point la représentation du monde est un véritable effort d'abstraction. Est-ce qu'on s'est daté le moment où on a commencé à pouvoir, à savoir et à penser à additionner des nombres plutôt que des choses ? Ah non, ça je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, j'imagine que c'est très ancien. On a toujours eu besoin de compter les animaux, par exemple, d'un cheptel. Je dirais, on a toujours eu de compter ses amis ou ses ennemis quand il y avait des conflits. Donc c'est certainement très très ancien. Les premiers noms de nombres sont les noms des parties du corps, et ce sont souvent des noms qui ne sont pas d'origine indo-européenne. Si vous voulez bien, on va continuer dégrainer quelques mots qui figurent dans votre livre Des mots et des maths, par exemple. Tout de suite après absolu, il y a anneau. Anneau, alors c'est un nom commun, ça désigne une sorte d'instrument qui permet de relier. Oui, bien qui sûr. Qui symbolise, oui, le lien. Bien. Alors, il symbolise le lien. Par exemple, l'anneau nuptial, les anneaux olympiques, ça symbolise le lien. Et puis, les anneaux de Saturne ont intrigué les astronomes pendant des décennies. L'anneau mathématique, apparemment, on n'a rien à voir avec. Avec le symbole d'anneau. Alors, c'est David Hilbert qui a commencé à parler d'anneau, et c'est Richard Dedekind, le mathématicien. Fin 19e siècle. Fin 19e, qui a donné le nom. Alors, on peut rechercher, enfin, c'est une question assez intéressante de savoir d'où est venu ce mot anneau en mathématiques. Parce qu'en mathématiques au lycée, on l'apprend assez tôt, en première ou en terminale. Donc c'est les anneaux, il me semble. Je suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt au début de l'université. Oui. En tout cas à mon époque. Oui. Ah oui, mais ça a changé. Oui. Donc c'est quand même une notion assez banale sur les mathématiques, et pourtant elle est d'apparition très tardive. Oui, c'est ça. Oui. Alors finalement une interprétation, bon, qui est pas forcément unique, ça vient des anneaux d'anti-algébriques. Alors les anti-algébriques sont des entiers qui sont ce sont des nombres, plus exactement, qui sont solutions d'une équation polynomiale. Donc par exemple racine de 2, c'est la solution de x au carré égale 2. Ces nombres, lorsqu'on travaille avec, eh bien on s'aperçoit que lorsqu'on regarde leurs puissances successives, à un moment donné, ça boucle. C'est-à-dire que, bon, par exemple, pour racine de 2, si on prend racine de 2 au carré, on trouve 2, donc on retombe sur les entiers ordinaires. Et ce retour éternel qui peut faire penser à l'éternel retour de Nietzsche, qui a finalement été à l'origine du mot anneau en mathématiques. L'idée d'un cycle. Voilà, l'idée d'un cycle. On monte en puissance et on repasse par les mêmes points. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on pourrait donner là la définition de la nano, tout bêtement, le fait que ça soit des ensembles qui contiennent des éléments qu'on peut ajouter qu'on peut soustraire, qu'on peut multiplier tout en restant dans le même ensemble. Oui, tout à fait. Donc par exemple, oui. L'ensemble des nombres entiers positifs n'est pas un anneau, parce que par soustraction, on peut arriver à des valeurs négatives qui Exactement. N'appartiennent pas à l'ensemble. Oui. Par contre, l'ensemble des entiers relatifs, positifs et négatifs, lui est un anneau, parce qu'en voilà. ajoutant, en soustrayant, on reste dans l'ensemble. Et en multipliant, on reste toujours dans l'ensemble. Mais l'origine du mot anneau vient plutôt de cette catégorie particulière d'anneaux que sont les anneaux d'entiers algébriques, pour lequel il y a ce phénomène de cycle. Alors passons à un mot qui contient qui commence par la lettre C, qui est un mot commun, compact, et qui est un mot essentiel en mathématiques concernant la topologie. Oui, un compact. Alors c'est dans le langage courant, on parle d'automobile compact, d'appareil photo compact, de chaîne compacte ou même de phonème compact lorsque le son est concentré sur une seule syllabe, par exemple. En topologie, un espace compact, et c'est quelque chose de très différent. Et on peut se demander. Par exemple, si on prend un ensemble qui contient que deux points extrêmement séparés, c'est quand même un compact au point de vue topologique. La topologie, c'est la partie des mathématiques qui s'occupe des distances. On peut se demander. Dans le langage courant, ça veut dire quand même spatialement concentré. Là, vous nous dites qu'en mathématiques, non, deux points sur la même droite. Voilà. Alors, comment expliquer cet usage du mot d'une façon qui contredit l'usage commun ? Alors, finalement, les mathématiciens ont retenu le fait, dans la notion de compact, c'est que c'est un ensemble qui ne peut se concentrer qu'au voisinage d'un de ces points. Si je prends par exemple l'ensemble de tous les nombres entre 0 et 1 exclus, eh bien les nombres peuvent se concentrer autour de 0, mais 0 n'est pas dans l'ensemble. Donc cet ensemble-là n'est pas compact. Par exemple, si je prends la série formée par les nombres 1, 1 divisé par 2, 1 divisé par 3, etc. Oui. J'approche de 0. Voilà. Sans jamais atteindre 0. Je vais jamais atteindre 0. Donc cet ensemble n'est pas compact. Cet ensemble n'est pas compact. Si j'ajoute 0, eh bien l'ensemble devient compact. Donc il y a quelque chose de il y a quand même quelque chose qui reste du sens commun dans le sens mathématique du mot compact, c'est le fait qu'on ne peut se concentrer qu'autour d'un de ces éléments. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les travaux en mathématiques d'Alain Badiou, le philosophe que j'avais reçu il y a quelques années. Il avait écrit un livre intitulé « L'éloge des mathématiques ». Éloge des mathématiques, dans lequel il dit ceci. « Les mathématiques sont à une extrémité du langage, la poésie est à l'autre extrémité, mais malgré cette opposition, ces deux formes du langage accèdent à l'universalité. La poésie est ce qui fouille dans le langage pour le contraindre à nommer ce qu'antérieurement il n'arrivait pas à nommer. » Et donc la poésie s'énonce dans la singularité d'une langue, jusqu'à sa limite, jusqu'au hors-langue, alors que les mathématiques procèdent d'emblée de l'extérieur de la singularité des langues. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord. Parce que vous dites justement que les mathématiques prennent des mots de la langue les retravaillent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les mots sont par nature, les mots du langage courant sont par nature polysémiques. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de sens. Et la qualité de la poésie, c'est justement de surfer sur cette polysémie. Les mathématiques, au contraire, ont absolument besoin d'avoir des mots qui sont monosémiques. Il faut qu'il y ait une absence d'ambiguïté. Il faut éviter le risque de confusion, d'ambivalence, d'équivoque. Donc, les deux domaines accèdent à quelque chose d'essentiel, mais par des voies différentes. La poésie utilise la polysémie du langage, les mathématiques vont extraire du langage courant un mot pour lui donner un sens restreint, et je dirais que finalement les mathématiques héritent de nos mots pour en faire des termes. C'est-à-dire la différence entre les deux ? La différence entre les deux, c'est que le terme, c'est un mot qui a une définition précise et qui ne peut pas changer de sens dans un même discours. Il échappe à la polysémie du mot. Il est absolument. Oui. Alors, dans votre livre, Gérald Tenenbaum, Des mots et des maths, vous citez souvent Russell, qui a été un grand logicien, philosophe, mathématicien. Il a même eu le prix Nobel de littérature, je crois. Ah oui. Donc il a fait beaucoup de choses. Il disait qu'en mathématiques, on ne sait jamais très bien de quoi l'on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. C'est pas très encourageant. Oui, finalement, dans la mesure où les mathématiques ne sont pas un moyen d'agir sur le monde, même si elles permettent d'agir sur le monde parce qu'elles sont ensuite le langage de la science, mais au départ, les mathématiques ne sont pas, conçues dans ce but-là. La notion du vrai en mathématiques est finalement secondaire. Je dirais qu'en mathématiques, ce qui est important, c'est l'exactitude. Attitude plus que la vérité. Je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, sur le nombre 2 auquel vous consacrez un chapitre. Et vous dites que 2 a engendré le premier martyr de la science. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est une histoire très intéressante dans l'histoire de la science, parce que pour les Grecs et l'école pythagoricienne, toute chose était nombre. C'est-à-dire que on devait pouvoir les Grecs faisaient condensaient la théorie des nombres et la géométrie. Pour eux, donc, chaque nombre devait pouvoir se dessiner, et chaque longueur devait pouvoir être mesurée à partir d'une règle, et si l'unité de la règle était suffisamment petite, on devait pouvoir mesurer chaque longueur avec un nombre entier. Or, le théorème de Pythagore montre que la diagonale du carré est irréductible, ne peut pas se mesurer avec la même unité que le côté. Donc c'est un disciple de Pythagore qui s'appelait Hippas de Métaponte qui a montré cette impossibilité, et on raconte qu'il a été assassiné par ses condisciples. D'ailleurs, à la fin de ce chapitre consacré aux deux, vous écrivez « Le nombre 2 est évidemment notre premier modèle du couple, qu'il soit homogène ou hétérogène, fondé sur la ressemblance ou sur le contraste. Et le couple est d'abord le lieu de la conversation et de la négociation, puisqu'il ne peut contenir de majorité. Si deux ne sont pas d'accord, il faut parler. Ainsi, le nombre 2, à partir duquel commence la société, nous suggère, pour vivre ensemble, une voie fondée sur l'accord plutôt que sur la contrainte. » Il contient en germe la notion de partage, deux est par nature généreux. On dirait de la politique. Oui, bien sûr, c'est de la politique. C'est une manière aussi de parler d'eux, D'EUX, ceux qui frappent à notre porte et qui sont nous. Très bien. Alors, vous dites aussi, parce que ce chapitre sur le deux permet beaucoup de discussions, vous dites que les ordinateurs quantiques, si un jour ils adviennent, oui, qui est une question ouverte, ce serait la première défaite du nombre 2. Oui, parce que les ordinateurs actuels fonctionnent sur une logique binaire, c'est 0 et c'est 1, et tout est écrit à partir de cet alphabet à deux lettres. Les ordinateurs quantiques, s'ils adviennent, comme vous dites, eh bien, ils pourraient fonctionner avec un nombre arbitraire de lettres, et donc le 2 ne serait plus le langage universel de l'informatique. Qui serait donc complètement bouleversé. Oui, bien sûr. D, la lettre D, parce qu'il y a beaucoup d'entrées dans votre livre à la lettre D, il y a notamment la dérivée. Le titre, c'est D comme dérivée ou comment garder la ligne. Alors, on comprend en vous lisant qu'il y a un lien entre la dérivée mathématique et la dérive. Vous citez d'ailleurs Rimbaud et son bateau ivre. Quel rapport ? Alors le rapport, c'est que bon, quand on a une courbe, eh bien on cherche à approcher cette courbe par quelque chose de plus simple. Et ce qu'on, bon, une des possibilités, c'est de l'approcher par une droite. Donc c'est la droite qui va être tangente à la courbe. Elle montre à la fois le chemin, mais elle s'en écarte. Donc c'est ce problème des tangentes qui a intrigué les mathématiciens depuis l'Antiquité, depuis Apollonius de Perge, je veux dire au moins 3e siècle, donc, et qui a été abordé d'abord par la géométrie dans le cadre des coniques, et puis finalement élucidé par Newton au 17e siècle seulement, via le concept dynamique de limite. Donc la dérivée, c'est une manière d'approcher quelque chose, une courbe générale, enfin pas seulement une conique, par quelque chose de plus simple, qui est une ligne droite. Donc on a à la fois ce concept d'approximation et en même temps de dérive, puisque la tangente va tout de même s'éloigner de la courbe. Elle touche la courbe sans la couper ? Voilà, elle touche sans la couper. Et vous dites d'ailleurs, construire une tangente, c'est approcher le compliqué par le simple et le faire le mieux possible. Oui, puisque c'est parmi toutes celles qui touchent la courbe, c'est celle qui s'en approche le plus. Alors Gérald Tannenbaum, on va pas révéler toutes les entrées de l'ouvrage, mais il y en a quand même quelques-unes qui me paraissent essentielles, qu'il faut légèrement et brièvement discuter. Par exemple, celle de corps. Un corps en physique, on sait ce que c'est. Le corps humain, c'est quand même notre référence de tous les jours. Est-ce que le mot en mathématiques s'éloigne du sens courant ? Alors à la fois, oui, il est évidemment très éloigné, puisque le corps en mathématiques désigne une structure avec des éléments qu'on peut conjuguer, qu'on peut composer. Et en même temps, lorsqu'on y réfléchit, eh bien, on trouve que il y a quelque chose qui résiste du sens courant dans le sens mathématique. Si on pense à la définition du corps humain dans le Code civil, il y a deux particularités qui sont désignées par le Code civil, qui sont l'indisponibilité et l'inviolabilité. Or, un corps mathématique, une fois qu'on l'a complété au sens mathématique, c'est-à-dire qu'on lui a adjoint tous les éléments qui doivent y entrer naturellement, et qu'on l'a clos algébriquement, c'est-à-dire que on lui a aussi adjoint toutes les solutions d'équations, eh bien, il ressemble finalement au corps humain du Code civil, dans la mesure où rien ne peut y entrer et rien ne peut en sortir. Et en quoi ça se rapproche du corps mathématique, en mathématiques plutôt ? Mais le corps en mathématiques... Il y a une structure qui garantit... Oui, voilà, il y a une structure qui garantit... Son intégrité que, Exactement, voilà. D'ailleurs, on parle aussi, par exemple, d'anneau intègre qui est proche de la notion de corps. C'est un pléonasme, un corps intègre. Puisque la structure du corps garantit son intégrité. Dans le sens courant, oui. Dans le sens mathématique, non. Alors, vous parlez aussi de l'opposition qui existe aussi dans la langue commune entre discret et continu. Le discret, c'est le contraire de continu. Mais dans la langue commune, discret, c'est tout à fait autre chose. C'est lié à la discrétion. Oui. Plutôt que l'opposé du mot continu. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut récupérer un peu de sens commun ? Alors le sens, pour le mot discret, c'est intéressant de chercher souvent de chercher les antonymes plutôt que les synonymes. Et bon, qu'est-ce qui n'est pas discret ? C'est ce qui est voyant, c'est ce qui est encombrant, c'est ce qui est indélicat. Et puis finalement, on comprend même que c'est ce qui est indiscret. Et qu'est-ce qui est indiscret ? C'est une personne indiscrète, c'est une personne qui confond ses affaires avec les affaires des autres. Une personne qui ne respecte pas les distances. Qui ne respecte pas les distances, exactement. Et si on revient sur le sens étymologique, le mot discret vient du latin discernere, donc qui veut dire séparer. Et donc, distinguer le vrai du faux, c'est se reconnaître, et c'est reconnaître les distances. Donc, en mathématiques, le discret, c'est ce qui est fini. Bon, on parle de mathématiques discrètes, qui étudient les structures finies. Les mathématiques discrètes, bon, les ordinateurs font partie des mathématiques discrètes. Le théorème des quatre couleurs, par exemple, a été démontré grâce à un programme d'informatique. Et en mathématiques, donc un ensemble discret, c'est un ensemble dont les éléments peuvent être discernés, peuvent être séparés les uns des autres. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des anneaux de Saturne, mais Saturne, c'est aussi le nom d'une chanson de Georges Brassens que vous avez choisie et que nous allons écouter. Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose, pour se désennuyer un peu, il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Cette saison, c'est toi ma belle qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. C'est pas vilain, les fleurs d'automne, et tous les poètes l'ont dit. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Viens encore, viens ma favorite, descendons ensemble au jardin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Je sais par cœur toutes tes grâces, et pour me les faire oublier, il faudra que Saturne en fasse des tours d'horloge de sablier. Et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Gérald Tenenbaum, Saturne de Georges Brassens. Pourquoi ce choix ? Alors c'est en pensant au mot anneau en mathématiques. Et bon, le mot anneau, avec cette structure cyclique, ce symbolisme de ce qui revient, et le temps, la conception cyclique du temps qu'on retrouve chez Nietzsche, et le fait de revivre ce qu'on a vécu, et la mémoire. Et donc, j'ai pensé que, voilà, que cette... Que cette chanson, en parlant des anneaux de Saturne et du temps, s'accordait bien avec l'idée mathématique d'anneaux. Ça évoque aussi le cercle, d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Le cercle, ça fait penser au nombre pi. Oui. Et vous en parlez longuement dans votre chapitre consacré au mot « existence ». Les mathématiciens se préoccupent de montrer l'existence ou l'inexistence de telle ou telle chose. Alors, comment est-ce qu'on a pu démontrer l'existence du nombre pi ? Oui, alors c'est l'existence du nombre pi, c'est-à-dire un mystère. Que... Je vous rappelle la définition de l'homme donnée par René Daumal, grand romancier, dans son livre Le Mot Analogue. Mm-hmm. Il définit l'homme comme étant un bipède sans plume, inapte à l'intellection du nombre pi. C'est vrai que le nombre pi, on avait constaté depuis l'Antiquité que la longueur d'un cercle, alors bon, qui elle-même n'était pas forcément bien définie, mais que la longueur d'un cercle était proportionnelle à son diamètre. Et le problème, c'est d'arriver à approcher à ce rapport constant et à lui donner une véritable définition mathématique. Donc finalement, c'est Archimède qui a construit par des approximations successives, qui a construit ce nombre qui n'était pas au départ vu comme un nombre, mais vu comme un rapport. Le problème, en mathématiques, il se trouve que on a souvent besoin de montrer l'existence de certains objets, alors que dans la vie courante, l'existence, c'est quelque chose de tout à fait naturel. On existe, voilà, on se lève le matin, on sait qu'on existe. En mathématiques, l'existence demande à être démontrée. Finalement, dans la vie courante, le seul concept pour lequel on se bagarre pour démontrer l'existence, c'est Dieu. Il y a une histoire... Et son unicité. Alors, l'existence et l'unicité, ça c'est effectivement, et d'une certaine manière, en mathématiques, quand on a un théorème d'existence et d'unicité, ben on est content. Voilà, c'est ce vers quoi on tend dans chaque théorie mathématique. Il y a aussi dans votre livre quelques évocations de ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde, qui est un geste intellectuel très très particulier. Il s'agit de gagner le vrai en faisant surgir l'impossible à partir du faux. En d'autres termes, on fait semblant de croire une proposition qu'on devine fausse, pour ce faisant trouver le moyen de démontrer qu'elle est absurde, donc bel et bien fausse. Oui, tout à fait. Oui, c'est le raisonnement par contradiction. Qu'est-ce qui a inventé ce type de raisonnement? Aucune idée. Parce que la question que je me posais, c'est est-ce que la démonstration par l'absurde en mathématiques serait l'équivalent de ce qu'on appelle une expérience de pensée en physique inventée par Galilée? C'est-à-dire, on suppose qu'une certaine loi est vraie. Par exemple, celle d'Aristote qui dit que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Mmh. On fait jouer cette loi supposée vraie dans des situations qu'on imagine. Et on voit que la loi implique un résultat qui est absurde, donc la loi est fausse. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement la même démarche. Et vous parlez aussi de ce fameux problème qu'on appelle le problème isopérimétrique, bon, qui est un nom compliqué mais qui correspond à un problème simple. Est-ce que vous pouvez rappeler en quoi il consiste et comment il a joué dans l'histoire des mathématiques? Alors c'est une histoire qui est racontée par Virgile et qui parle de la reine Didon qui fuyait son frère et qui est arrivée en Afrique du Nord et elle a demandé à ce qu'on lui donne un territoire. Et le prince à qui elle a fait cette demande lui a dit « Eh bien, je te donne un territoire, je te donne le territoire qui peut être... recouvert par la peau d'un bœuf. » Et donc elle a découpé cette peau en une fine lanière et elle a entouré un vaste territoire qui est devenu Carthage. Alors le problème mathématique sous-jacent, c'est quelle est la plus grande surface qui peut être englobée par un périmètre donné. Alors on suppose évidemment que c'est que la réponse est donnée par le cercle. Mais encore faut-il le démontrer. Et là, il y a une histoire très édifiante. En 1836, Jacob Steiner, qui était un géomètre très connu, a pensé qu'il avait démontré le problème isopérimétrique, c'est-à-dire qu'il avait bien démontré que le cercle était la solution de ce problème, en démontrant que toute courbe qui n'est pas un cercle n'est pas optimale. Seulement, il avait oublié de démontrer... Optimale en quel sens ? C'est-à-dire qu'une courbe qui n'est pas un cercle peut être déformée légèrement pour englober une surface plus grande à périmètre constant. Donc, le problème, c'est qu'il n'avait pas démontré que ce problème isopérimétrique admettait une solution. Donc, on ne savait pas que la solution existe. Donc, on aurait pu imaginer que même le cercle ne soit pas, une solution. C'est-à-dire, on aurait pu imaginer que le problème posé n'est pas de solution du tout. Voilà, n'est pas de solution du tout. Et c'est finalement seulement Weierstrass à la fin du 19e siècle qui a démontré l'existence d'une solution grâce justement à la compacité, grâce à la notion d'espace compact en topologie, et donc qui a complété la démonstration. Donc si vous avez une corde d'une longueur donnée, voilà, la plus grande surface qu'elle peut enfermer, voilà, correspond à un cercle. Et dès que vous la déformez, vous avez une surface plus petite. Plus petite, absolument. Bon, ça pourra nous servir un jour ou l'autre. Hein. Vous parlez aussi, Gérald Tenenbaum, ça c'est une très belle histoire, l'histoire des nombres dits friables, autrefois appelés les nombres ronds. Comment est-ce qu'un nombre peut-il être rond ? Un nombre est rond. Dans la vie courante, on dit qu'un nombre 100, 1000 ou 10 000 est un nombre rond. Voilà, ça tombe. Ça tombe rond. Voilà. Et ensuite, on a cherché à examiner. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de nombre rond ? Donc, on a pensé que c'était les nombres qui ont beaucoup de facteurs premiers. Par exemple, si on prend 100, 1000 ou 10 000, eh bien, les seuls facteurs premiers sont 2 et 5. Donc, beaucoup de petits facteurs, on fabrique un grand nombre. Et il se trouve que dans les années 80, le développement de la théorie des nombres, d'une part, et le développement de l'informatique, d'autre part, a exacerbé l'importance des nombres avec des petits facteurs premiers. Donc il fallait absolument trouver un mot, puisque un nombre avec que des petits facteurs premiers ou un nombre sans grands facteurs premiers, bon, c'est une périphrase, et il fallait trouver un mot. Et donc les mathématiciens, en particulier les informaticiens américains, ont donné le mot smooth en anglais, qui veut dire lisse. On peut donner un exemple pour que ça soit bien clair. Donc un nombre smooth ou rond, c'est un nombre dont la décomposition en facteurs premiers ne fait apparaître que des petits nombres. Voilà. Exemple, 1200 est égal à 2 à la puissance 4, multiplié par 3, multiplié par 5 au carré. Voilà. Donc les nombres premiers qu'on trouve dans cette décomposition sont petits par rapport au nombre Exactement, voilà. Et si on prend son voisin, par exemple, qui est 1201, qui lui est premier, donc il est pas rond du tout, c'est exactement le contraire. Donc justement, la répartition des nombres ronds ou des nombres sans grand facteur premier est extrêmement rugueuse, elle est pas du tout lisse. Donc le fait d'appeler ces nombres lisses était assez gênant, particulièrement pour les mathématiciens francophones. Comme vous. Voilà, comme moi. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc, moi, à l'époque, j'ai posé la question à mon collègue et ami Michel Balazard, qui lui-même a posé la question à son père, Jacques, qui est un ancien polytechnicien, et qui a immédiatement répondu friable, c'est parfait, parce que quand ça veut dire décomposer en éléments, il est facile à décomposer en éléments. Ce sont des grands nombres fabriqués à partir de poussière de nombres. Voilà, exactement. Et puis le mot friable avait aussi l'intérêt qu'il s'écrit en anglais de la même façon, donc friable, mais il s'écrit pareil, et il a le même sens. Donc, de ce côté-ci de l'Atlantique, on a commencé à utiliser le mot friable. Mais les Américains et toutes les mathématiques anglophones ont persisté à utiliser le mot smooth. Donc il y avait une petite tension, disons, entre les mathématiciens francophones et les mathématiciens mathématicien anglophone. Et puis, on aurait pu penser que le mot smooth allait gagner la partie, mais le mot lisse en français n'a jamais pris. Et puis, petit à petit, le mot friable a gagné du terrain. Et aujourd'hui, on peut dire que la partie n'est ni gagnée ni perdue, mais un certain nombre de mathématiciens anglophones commencent à utiliser le mot friable. Donc il y a une sorte de percolation douce du français dans l'anglais. Exactement. C'est exactement. Rare. Oui, c'est tout à fait rare et ça mérite d'être signalé. D'autant plus que on crée peu de mots aujourd'hui, particulièrement de mots issus du langage courant. On en crée peu en mathématiques et celui-là est un des rares exemples. Pourquoi est-ce qu'en mathématiques on parle d'inconnu au féminin et pas au masculin? Alors ça c'est vrai que il y a une grande différence en français courant entre l'inconnu masculin, la peur de l'inconnu, la fascination, l'épouvante de l'inconnu et l'inconnu UE, donc l'inconnu féminine qui évoque qui n'a pas le même statut, qui évoque toute forme de fantasme. Et on peut penser au poème de Verlaine, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Et le concept d'inconnu, je pense que l'inconnu, en mathématiques on avait pris un terme masculin pour désigner l'inconnu, on en aurait une autre appréhension. Exemple de petits problèmes dont il faut résoudre, c'est comme ça qu'on dit l'inconnu ? Trouver l'inconnu. J'ai deux fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez, mais lorsque vous aurez mon âge, nous aurons ensemble 90 ans. Oui. Quel âge ai-je ? Voilà. J'invite les auditeurs à nous proposer une solution. Alors ça, c'est un problème à deux inconnus en plus. Oui. Une fois qu'on a l'âge de l'un, on a l'âge de l'autre. Oui, on a l'âge de l'un, oui, bien sûr. Oui. Impossible. Impossible, qui est un mot important dans toutes sortes de champs, notamment les mathématiques. Quand on démontre une impossibilité en mathématiques, on considère que c'est un grand résultat. Alors ça dépend. Il y a des théorèmes d'impossibilité qui disent simplement telle équation n'a pas de solution. Ça ne met pas les mathématiques en péril. Il peut y avoir d'autres impossibilités, comme par exemple le paradoxe de Russell, qui a démontré que la notion naïve d'ensemble finalement est contradictoire, n'a pas de sens. Donc là, on arrive à de l'impossibilité possible qui est en fait de l'interdit. Et il se trouve que l'interdit en mathématiques a finalement une valeur structurante. C'est-à-dire que le fait de montrer que la théorie naïve des ensembles est contradictoire et finalement doit être réécrite a amené les mathématiciens à concevoir la théorie axiomatique des ensembles qui, elle, est cohérente. Un autre interdit qui a été finalement levé d'une manière différente en mathématiques, c'est ce fameux théorème qui dit un carré c'est toujours positif. On aimerait bien dans certains cas qu'un carré soit négatif. Alors comment est-ce qu'on peut faire? On va inventer un nouvel espace qui va englober l'espace précédent dans lequel il va exister des nombres qu'on va appeler imaginaires et pour lesquels un carré peut être négatif. Donc finalement, on voit que en mathématiques, le nom N-O-N, qui symbolise l'interdit, l'impossibilité, engendre des noms N-O-M, c'est-à-dire engendre des concepts. Et pourquoi est-ce qu'on les appelait imaginaires à l'époque de leur invention ? Ben parce que on les on a pensait appelés... qu'ils n'existaient oui, pas. Oui, oui, non, on pensait qu'ils n'existaient pas. Un peu comme d'ailleurs, enfin, c'est un petit peu la même histoire que pour les nombres négatifs. C'est-à-dire un nombre négatif n'existe, enfin, il n'existe pas vraiment. Il est relatif à l'usage qu'on peut en faire. Et les nombres imaginaires étaient au départ utilisés uniquement comme des instruments pour résoudre des équations. Puis on s'en débarrassait dès qu'on pouvait. On ne leur donnait pas une existence propre. Vous parlez souvent de Russell et pour cause. Russell défendait aussi l'idée qu'on peut démontrer à peu près n'importe quoi avec un raisonnement pourri. Et il donnait l'exemple, on peut facilement démontrer avec un raisonnement pourri que 1 est égal à 2. Vous connaissez cette démonstration ? Non. Il disait, voilà, si 1 est égal à 2, alors je suis le pape. Oui. Le pape et moi, ça fait 2. Donc 1, moi, ça fait 2, est égal à 2. Oui, c'est-à-dire que si on part d'une prémisse qui est fausse, effectivement, on peut démontrer absolument n'importe quoi. Une des notions les plus fascinantes en mathématiques, c'est la notion d'infini. Surtout depuis que Cantor, à la fin du XIXe siècle, a démontré qu'il y avait plusieurs sortes d'infini. Mais déjà, quand on prend la notion d'infini au sens le plus trivial du terme, par exemple, si on imagine qu'on se présente à un hôtel dont le nombre de chambres est infini et qui affiche complet, oui, on peut quand même s'y présenter et avoir une chambre. Oui, bien sûr. Il suffit de tomber sur un hôtelier qui vous propose de prendre le locataire de la chambre numéro 1, il va dans la 2, oui, celui de la 2 va dans la 3, et ainsi de suite, de sorte que la 1 est libre. Absolument. Et peut vous être attribuée. Alors, depuis quand est-ce qu'on raisonne ainsi et qu'on découvre les apories, les contradictions, les surprises qu'engendre la notion d'infini ? Oui, la notion d'infini, elle est pleine de paradoxes, parce que par nature, on ne comprend bien que ce qui est fini. Tout ce qu'on appelle infini m'échappe, disait Rousseau. Et puis les paradoxes de Zénon, l'infini est très difficile à domestiquer par la pensée. Pascal disait que finalement, on a la conscience de notre finitude, mais notre pensée est tout de même capable de concevoir l'infini. Et finalement, ce sont les mathématiques qui sont venues au secours de la philosophie, justement avec Cantor, pour domestiquer la notion d'infini et montrer qu'il n'y a pas un infini, mais qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a même une infinité. Et via la notion de bijection, il a pu classer les infinis. C'est-à-dire que l'infini n'est pas le résultat d'une excroissance du fini, mais se définit autrement. Par exemple, c'est toujours un grand choc chez les étudiants auxquels on explique que, évidemment, il y a deux fois moins de nombres pairs que de nombres entiers, mais en fait, il y en a le même nombre. Voilà, c'est ça. Il y en a deux fois moins, il y a le même nombre. Pourquoi ? Parce qu'on peut tracer une correspondance unique entre chaque nombre pair et chaque nombre entier. Et son double, donc, bien sûr. Donc, ils ont le même effectif, le même cardinal, si on pourrait dire. Oui, exactement, ils ont le même cardinal, et il y a même autant de nombres entiers que de fractions, par exemple, donc c'est ce qui est encore plus choquant. Via la théorie de Cantor, eh bien on a une notion qui est satisfaisante de l'infini. Finalement un ensemble infini pour Cantor, c'est un ensemble qui a le même nombre d'éléments qu'une de ses parties, ce qui est impossible. Mais ça l'a beaucoup choqué lui-même, comme quoi on peut découvrir des résultats auxquels on ne croit pas. Il a écrit à son maître Dedekind, je le vois, mais je ne le crois pas. Oui, c'est ça. Il venait de démontrer que il n'y a pas plus de points dans la surface d'un carré que dans un côté d'un carré. Pourtant, la surface est dimension 2. Voilà, absolument. Et ça l'a presque rendu fou, en fait. Ça l'a, je pense qu'il est mort fou, effectivement. C'est ce qu'on raconte. Oui, oui. Et enfin, il y a le zéro. Le zéro qui est un nombre, qui ne vaut rien. Donc les mathématiques sont quand même une sorte de formalisme qui joue avec le langage d'une curieuse façon. Par exemple, un ensemble vide, oui, c'est un ensemble. Oui, c'est un véritable ensemble. Oui, c'est un véritable ensemble. C'est pas moins un ensemble que les autres ensembles. Non, il contient aucun élément. Il contient aucun élément. Donc il se distingue du néant. Et le zéro, c'est pareil, c'est un nombre. Oui, le zéro, c'est un nombre, et c'est une avancée majeure dans l'histoire de la pensée, parce que finalement, attribuer la valeur de nombre au zéro, c'est être capable de penser l'absence. Et penser l'absence, c'est la fonction symbolique. Est-ce qu'on sait expliquer comment a été fabriqué et inventé le zéro? Et quand? Par quel type de raisonnement on a pu inventer un nombre qui ne vaut rien? Alors il y a le zéro de position, c'est-à-dire que quand on représente les nombres par des chiffres, eh bien, par exemple, si vous voulez représenter le nombre 109, vous allez mettre un 1, un 0 et un 9. Au départ, on mettait à la place du 0, comme il n'y avait rien, on mettait rien. On mettait simplement un espace. Mais évidemment... Donc, 109 ressemblait à 19. Voilà, 109 ressemblait à 19 et on s'est rendu compte que ça engendrait... qu'on risquait beaucoup d'erreurs en ne mettant rien. Donc on a attribué un symbole... On risquait de perdre beaucoup d'argent. Voilà. Et donc on a attribué un symbole au zéro de position, pour lui donner pour lui donner un statut et donc pouvoir travailler avec ce nombre. Et puis ensuite, bon, dans l'histoire des mathématiques en particulier, il y a le zéro algébrique, c'est-à-dire que bon, on prend 2 moins 2, ça fait 0. Bon, on a dans ces cas-là, donc il y a quelque chose qui s'annule, mais il y a aussi le zéro de l'analyse, c'est-à-dire quelque chose qui tend vers zéro, le zéro dont on s'approche mais qu'on n'atteint jamais. Le zéro comme limite. Voilà, le zéro comme limite. Et là, on retrouve le concept d'infini, parce que entre le zéro et l'infini, finalement, il y a une dualité. Si quelque chose tend vers zéro, bah son inverse tend vers l'infini et réciproquement. Alors vous savez, Gérald Tenenbaum, il y a un très vieux problème, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, depuis Galilée, les physiciens écrivent des équations mathématiques. Ils utilisent une partie des mathématiques pour décrire les lois de la nature, oui, et s'interrogent sur les raisons, si on peut les comprendre, d'une telle efficacité opératoire des mathématiques en physique. Est-ce que vous avez, vous, une interprétation ? Je pense que bon, les mathématiques sont... parmi les sciences, disons toutes les sciences sont basées sur l'observation du monde, sauf les mathématiques. Les mathématiques sont basées sur l'observation de notre propre pensée. Et du coup, je pense que les mathématiques sont une manière de rechercher notre vision du monde et non pas elles étudient pas le monde directement, mais la manière dont nous sommes capables de penser le monde. Parce que Galilée dit, sans le langage mathématique, nous serions humainement incapables, dit-il, de comprendre un seul mot de la nature. Ça veut dire que, pour vous, les mathématiques sont un langage humain que nous projetons sur le monde? Ou bien est-ce que c'est le langage naturel du monde que nous devons apprendre pour le comprendre? Non, je pense que c'est le langage humain que nous projetons sur le monde, c'est notre manière de le comprendre. Et comme nous sommes humains, eh bien les physiciens utilisent naturellement les mathématiques. Oui, mais pourquoi ça marche? Pourquoi ça correspond dans beaucoup de cas? Pourquoi on arrive à prédire les ondes gravitationnelles et les détecter comme on les a calculées? Parce que c'est notre seule manière de comprendre le monde. Vous êtes sûr? Que répondrait un artiste ou un poète? De le comprendre du côté scientifique, bien sûr. Ressentir, c'est autre chose. Alors merci Gérald Tenenbaum d'être venu nous parler de votre travail sur les mots des mathématiques. Je recommande la lecture de votre ouvrage « Des mots et des maths » qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Et avant de nous quitter, je voulais vous citer un physicien dont j'ai oublié le nom, qui m'a dit un jour qu'un mathématicien dont il avait oublié le nom avait écrit « La physique et les mathématiques sont deux disciplines séparées par un langage commun ». Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Philippe Mercher et à la réalisation Delphine Lemaire. Thank you. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Renaud-Dibiot pour le temps des écrivains.